Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les mots sont parfois flexibles ou élastiques, mais il faut tout de même porter une grande attention à leur genre. Ainsi, la plastique est fantastique car elle est malléable. Elle peut être modelée, elle est la recherche de la beauté des formes et notamment du corps humain. Quelle belle plastique! Parfois, elle corrige ou elle répare quand il est question de chirurgie esthétique. Elle est aussi mirifique quand elle donne des formes et des volumes, une représentation esthétique. Au masculin, le plastique change de nature. Par la chimie, c'est magique, il joue des molécules pour faire une matière de synthèse qui peut être moulée, formée, coulée. Au féminin, la plastique se fait esthétique quand elle irrigue les arts. Au masculin, quand il se concentre dans les sols, les rivières, les océans et même les êtres vivants, il devient dramatique. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous sommes intéressés à l'histoire souterraine du pétrole, des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis retrouvez-nous sur le groupe Facebook. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont rejoints et surtout à leurs messages. Ça fait toujours très très plaisir. Aujourd'hui donc, nous nous intéressons à cette question dramatique. Il y aura beaucoup de rimes en hic hein, aujourd'hui. Comment s'est insinué le plastique dans notre société? Et puis nous parlerons aussi des arts plastiques. Alors, le plastique, mais vraiment matière incontournable de notre monde, des milliers d'usages de plastique, des sociétés pétrofacinées jusque dans le moindre recoin, c'est ce qui vous a intéressé dans un chapitre que vous consacrez dans votre ouvrage « Menace sur l'alimentation ». Bonjour Florence Haché-Leroy. Bonjour. Vous êtes historienne des entreprises, des sciences et des techniques, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université d'Artois, chercheuse au Centre de Recherche Historique de l'EHESS, et donc cet ouvrage menace sur l'alimentation, emballages, colorants et autres contaminants alimentaires, 19e, 21e siècle. Et oui, vous venez jusqu'à aujourd'hui parce que l'histoire c'est jusqu'à aujourd'hui. C'est un livre publié aux presses universitaires François Rabelais. Et pour évoquer les arts plastiques et leur relation avec le plastique et le pétrole et surtout contextualiser les arts dans une société industrialisée, nous vous recevons Béatrice Joyeux-Prunel, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur à l'Université de Genève avec une nouvelle chaire en humanité numérique. C'est quoi une chaire en humanité numérique? Les humanités numériques, c'est un peu une science auxiliaire qui aide tous les spécialistes des humanités à utiliser le numérique de manière la plus intelligente possible et la moins dépendante possible aussi. Ça, c'est deux aspects intéressants parce que c'est un outil majeur, mais il faut savoir aussi parfois se libérer de cet outil. Vous êtes auteur d'un ouvrage, Les avant-gardes artistiques, une histoire transnationale, 1918-1945, c'est chez Gallimard. Deux volumes en fait, un avant 1918, 19e, 20e, et le deuxième, 1845. Voilà, ça s'arrête en 45, la suite? La suite va paraître auprès du CNRS 1945-70 et c'est effectivement la période qui nous intéresse le plus sur le pétrole. Merci beaucoup d'être là en tout cas, parce qu'en fin d'émission, nous retrouverons également Anaïs Quin qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quin avec sous le bras son journal de l'histoire, mais pour le moment, un petit tour aux actualités françaises. Les actualités françaises du 18 novembre 1964, ou alors là, il n'y a pas de problème autour de cette notion de plastique. Le plastique, vraiment, c'est fantastique. Signe des temps, encore, reflété au salon de l'emballage avec une impressionnante collection de conditionnements perdus. Réputé jadis grand collectionneur de récipients vides, le Français s'habitue à tout jeter après usage. Fait significatif, l'un des Oscars du salon est allé à une société qui révolutionne la distribution des vins de consommation courante avec un emballage ultra léger, non consigné. Donc, le vin lui-même se plie au nouveau style. À la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, au prix d'une manutention coûteuse, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette, purement et simplement. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant, expéditif et tellement reposant. Dans les actualités françaises en 1964, la bouteille en verre est remplacée par la bouteille plastique et une fois qu'elle est vide, elle retournera au néant. Une notion un peu vague pour parler de ce que va devenir la bouteille. Le néant, ce seront les déchets. Nous, on va très vite se rendre compte dans nos sociétés qu'en fait, ce néant, ce sont des décharges dont on n'arrive pas à se débarrasser. Florence Haché-Leroy, nous parlons ce matin de cette histoire de plastique. Le plastique, c'est déjà quelque chose de compliqué. Tout n'est pas exactement comparable. Vous insistez bien dans votre ouvrage Menace sur l'alimentation entre la différence des plastiques que l'on peut connaître maintenant et du cellophane. C'est pas exactement la même chose par leurs origines. Oui, alors effectivement, on parle d'abord plutôt des plastiques que du plastique parce que les origines, les matières premières utilisées pour les produits ne sont pas les mêmes. Pour le cas de la cellophane, on est là dans la cellulose, donc ça vient du bois. Donc ce n'est pas encore une matière plastique issue de la pétrochimie. Oui, c'est ça, c'est pas exactement ce qu'on imagine maintenant parce que l'apparition de ces matières-là se fait plutôt en Europe, d'ailleurs plutôt en Allemagne, hein, avec un pays qui est en avance sur la pétrochimie. On est à quel moment? Fin 19e, début 20e siècle? Voilà, la première matière plastique, c'est la celluloïde et c'est 1868. Après, il y a un certain nombre d'autres plastiques comme la galalite, qui est la casine, qui est faite à partir du lait, qui existe. On fait de magnifiques bijoux dans cette matière-là. La cellophane, c'est 1908. Et je dirais que, oui, l'Allemagne est le pays qui produit, enfin, qui a une très forte avance en matière de chimie, mais qui est très, très vite rattrapé par les États-Unis au moment de la Première Guerre mondiale, puisque les États-Unis, ne pouvant plus s'approvisionner en Allemagne, développent avec énormément de moyens la recherche et développement dans ce domaine. Et les États-Unis disposent d'énormément de pétrole, parce qu'il y a aussi ça, ce lien. C'est pour ça que cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons au pétrole et nous arrivons directement au plastique. Le plastique est directement lié au pétrole, faut le rappeler. Donc les États-Unis utilisent leur pétrole pour former du plastique avec, dès le début, cette idée que le plastique est une matière révolutionnaire. Alors, pour ce qui est... je vais quand même parler de la cellophane, parce que ça reste une matière plastique, hein, bien évidemment. Oui, parce qu'elle va apporter la transparence et conserver tout type d'objet à l'abri d'éventuelles pollutions, miasmes, etc. Donc, l'extrait que vous avez passé est très intéressant, parce que la cible favorite des industriels, c'est la femme. C'est toujours la femme qui va emballer autant les vêtements du bébé que les petits pots, que les produits alimentaires dans un emballage... transparent, dont on va voir du coup à l'intérieur des aliments sains et pas du tout altérés. Donc on a vraiment une cible privilégiée et une forme d'engouement en fait. C'est aussi un moment où on va passer de l'épicerie avec les aliments en vrac au self-service avec des aliments emballés soigneusement qu'on ne peut pas toucher puisqu'ils sont dans la cellophane. Donc oui. Un vrai progrès, si je puis dire, du point de vue de l'hygiène. Mais c'est vrai que faire l'histoire du plastique ou des plastiques de ces emballages, c'est faire de l'histoire du quotidien aussi, c'est faire de l'histoire sociale. C'est un mode de consommation qui évolue, c'est une recherche de l'hygiène absolue, telle que le présentent ceux qui proposent ces produits déjà emballés. L'hygiène est essentielle dans la présentation de l'avantage du plastique par rapport aux produits en vrac. Alors, c'est l'argument le plus utilisé par Dupont de Nemours pour vendre la cellophane. Dupont de Nemours est essentiel. Voilà, c'est lui l'acteur. Il est en situation de monopole pour la production et la vente de cellophane. C'est lui qui va effectivement orchestrer tout ce nouveau mode d'utilisation et de consommation. Et effectivement, l'argument sanitaire, la sécurité alimentaire est au cœur du discours publicitaire. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on lit votre ouvrage « Menace sur l'alimentation », Florence Haché-Leroy. Dupont de Nemours est très très présent, alors au moins dans toute la première partie du XXe siècle, il est omniprésent parce que, vous venez de le dire, il y a un monopole, mais un monopole qui ne se concentre pas uniquement dans la production, qui s'étend aussi dans la publicité. Il y a une volonté en fait d'imposer le plastique comme une matière incontournable. Oui, l'idée c'est effectivement pour Dupont de Nemours de faire valoir un matériau exceptionnel qui est le matériau du progrès. Alors dans mon livre j'explique aussi qu'il y a une rivalité avec l'emballage souple et l'aluminium en particulier. Et c'est finalement l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale qui va forcer les deux industriels à travailler ensemble et à mettre au point des produits mixtes de façon à utiliser les qualités de chacun des deux matériaux pour pouvoir emballer correctement l'alimentation qui est envoyée sur le front au GI. Oui, le moment Seconde Guerre mondiale est essentiel dans cette histoire du développement, et je reprends votre correction, vous avez raison, des plastiques, c'est essentiel parce que la Seconde Guerre mondiale oblige à produire énormément en plastique. Donc ce sont des bois, ce sont pour les GIs. Avec quelle volonté en fait ? Juste le côté pratique ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la guerre, l'armée américaine avait décidé que le plastique n'était pas utile à l'armée. Alors, c'est vraiment Dupont de Nemours qui monte au créneau pour dire « Mais attendez, mais bien sûr que si, les objets, toutes les boîtes qu'on utilise pour mettre des produits cosmétiques, ils peuvent être utilisés pour mettre du matériel de guerre, des boulons, etc. » Et il va créer des nouveaux produits, justement, pour aider au transport du matériel. Il y a des choses très innovantes comme des petites fenêtres avec à l'intérieur des cristaux qui permettent de voir l'humidité, de contrôler l'humidité des matériaux. Le matériel stérile pour la santé du GI également, tout ce matériel va être contenu dans des poches en cellophane. Donc ils vont montrer que le plastique a effectivement un intérêt fort. C'est léger, donc dans le transport c'est important. Et avec des matériaux mixtes, on peut à la fois répondre aux contraintes climatiques du front asiatique très chaud, très humide, comme le front plus européen ou le front de l'Est, avec des largages en parachute, donc là aussi des conditions de transport extrêmes, en tout cas pour l'époque. Oui, c'est vrai qu'on imagine facilement pour le soldat la gamelle en métal, mais il y a énormément de cette nouvelle matière qu'est le plastique. Juste pour bien comprendre comment pendant la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale se développe le plastique et comment il se développe aussi pendant la guerre, on a à peu près les mêmes arguments en fait. C'est simple d'utilisation, il y a de l'hygiène, on peut voir à travers, c'est toujours les mêmes arguments. Hein. Exactement, absolument. Oui, c'est cette idée de transparence qui est très forte, parce que qui dit transparence dit voilà, le contact, on voit si le produit est altéré ou pas, la légèreté bien évidemment, et puis ce côté très neuf d'un matériau beaucoup moins dangereux que le verre. En tout cas le verre est vécu comme très dangereux à l'époque parce qu'il casse facilement, hein, il y aura beaucoup de progrès dans le verre aussi, c'est une autre question. Et de fait, le plastique est vécu comme un matériau, je dirais, la bonne solution pour emballer les aliments. La bonne solution pour emballer les aliments, une bonne solution qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, s'impose aux GIs et qui, après, évidemment, se développe dans toute la société. On sait combien les guerres sont moteurs pour faire des innovations pour le reste du monde. Petit tour en 1955, quand l'ORTF s'intéressait aux origines et à la synthèse du plastique. En utilisant les matières premières trouvées dans la nature, on a pu faire la synthèse d'un nouveau matériau. Cette carcasse de radio est un plastique phénolique ou phénoplaste. Mais la plaque transparente qui protège le cadran est également en matière plastique. C'est une résine polystyrénique, fabriquée de façon différente, qui possède des propriétés déterminées. Pour créer cette résine synthétique, on part du charbon et du gaz naturel. En distillant le charbon, on obtient du benzène. Du gaz de pétrole chauffé et raffiné, on tire l'éthylène. En combinant l'éthylène et le benzène sous chauffage, on obtient d'abord le styrène, que l'on transforme par divers procédés en une nouvelle matière plastique, une résine polystyrénique. Nous étions en 1955 sur l'ORTF. Dites-nous, Florence Haché-Leroy, il a tout bon, le présentateur. Oui, et c'est amusant parce qu'il le dit de façon très didactique. Il y a un film qui est très important à cette date-là, c'est Le chant du styrène d'Alain René en 1958, qui en revanche glorifie avec énormément de poésie le monde industriel des plastiques et du polystyrène en particulier. Oui, oui, alors c'est un aspect qui est intéressant sur le plastique et on l'a en écho dans le son que l'on vient d'entendre, c'est qu'il y a cet aspect naturel. Le pétrole est quelque chose de naturel, le bois est naturel. Donc on est plutôt dans une approche positive de ce qu'est le plastique. Bah, volontairement rassurante, en tout cas. Et là encore, c'est le discours qui est porté par les industriels. Pour bon nombre de domaines de l'industrie, d'ailleurs quel qu'il soit, la volonté c'est toujours de rassurer le consommateur, de gagner sa confiance et de faire en sorte que le développement se passe de la meilleure façon possible. Avec quand même des évolutions dans la manière de produire ces produits-là, parce qu'il y a un souci. Très vite, on se rend compte qu'en retenant l'humidité, le produit va s'abîmer, va s'altérer, que les cookies, vous donnez l'exemple du cookies dans votre livre, les cookies ne sont pas bons quand ils sont mis dans une boîte en plastique. Il y a aussi des évolutions. Ces évolutions-là expliquent aussi le succès, parce qu'on s'adapte à la demande du public. Oui, alors, s'adapter à la demande du public, ça c'est une question un peu particulière parce que très souvent les industriels disent qu'effectivement ils répondent à la demande, mais cette demande en fait on la voit rarement apparaître en tant que telle par les consommateurs eux-mêmes. La question de la détérioration des produits dans l'emballage, c'est vrai que la cellophane va être quelque chose de ce côté-là très intéressant, parce que quand j'ai commencé mes recherches en fait aux États-Unis, la personne qui m'a accueillie dans le centre d'archives m'a dit mais la cellophane c'est inerte, vous ne trouverez rien. Et en fait, au bout de 3 jours, je trouvais effectivement des choses, c'est-à-dire le fait que les industriels avaient ajouté des éléments, des additifs dans la cellophane pour ralentir les procédés de rancification ou de détérioration, la production de moisissures, et que ces additifs étaient tous sauf inoffensifs. Donc je suis retournée le voir en lui disant mais non, la cellophane n'est pas inerte, bien au contraire, les industriels au fil du temps ont ajouté des éléments dedans pour que les produits conservés se conservent bien. Pour retravailler sur un sujet aussi complexe que les plastiques, Florence Haché-Leroy, de quelles sources dispose l'historienne ? Ce sont des sources industrielles, on imagine. Il y a beaucoup de secrets autour de cet aspect-là ? Alors, je dirais qu'il y a une différence très forte entre les États-Unis et la France. Et si je suis allée aux États-Unis, c'est bien parce que je n'avais pas trouvé de sources françaises sur la production de la feuille plastique, en l'occurrence. Et aux États-Unis, j'ai non seulement pu travailler dans les archives de Dupont de Nemours, de façon très libre, mais aussi dans celle du syndicat des plastiques, des producteurs de plastique américains. Et là aussi, les archives sont ouvertes à tous et on peut absolument travailler sans problème. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'il y a cette histoire sociale qui, là, nécessite de prendre à bras-le-corps l'ensemble d'un monde qui ne se limite pas aux États-Unis ou à la France. Le plastique se répand partout. Il y a quelque chose d'universel dans le plastique. Exemple, avec une publicité des années 1970, une publicité pour une boîte, évidemment, mais même plein de boîtes, les boîtes Tupperware. If you want to lock in freshness, Tupperware really locks it in. Tupperware really locks it in. Your Tupperware ladies, your Tupperware ladies, know all the new things, a million and two things for locking in. Publicité pour Tupperware dans les années 1970, où on retrouve la notion de fraîcheur. C'est toujours important, cette notion de fraîcheur avec le plastique. C'est propre, c'est sain. Cette efficacité de la publicité explique le succès du plastique, ou est-ce que la matière elle-même correspond à une demande? Nous sommes à un moment après la Seconde Guerre mondiale de sociétés de consommation en masse. Le plastique répond en fait parfaitement à la demande? Alors, il répond en tout cas à une certaine demande. Le Tupperware et les plastiques, à ce moment-là, il y a aussi une particularité, c'est la couleur. C'est-à-dire qu'on introduit tout à coup la couleur dans le quotidien, dans des objets, des ustensiles de cuisine ou de conservation. Ça, c'est une vraie nouveauté. Et puis, qui tranche avec les périodes, bien sûr, de pénurie liées à la guerre. C'est aussi, bien sûr, la société de loisirs qui va se développer. Alors, plus d'abord aux États-Unis qu'en Europe. Et qui dit société de loisirs dit la possibilité d'aller pique-niquer, d'emporter son manger avec soi. Et bon, là, il y a toujours une lutte entre, bien sûr, le matériel de camping en aluminium et celui en plastique. On retrouve cette rivalité, sachant que bon, le plastique, c'est parfait pour conserver, mais on ne peut pas faire chauffer. Donc, c'est une des limites de cet usage. En revanche, quand le micro-ondes va apparaître, le plastique va pouvoir être utilisé avec là aussi un problème qui est la migration de molécules pas forcément très amicales dans les aliments via la chaleur produite par les fours micro-ondes. Justement, cette prise de conscience du danger que provoquent ces matières synthétiques apparaît à quel moment ? Alors j'imagine bien que dès que le plastique ou les plastiques se mettent en place, il y a des réflexions autour du danger possible de ces nouvelles matières, ce qui est logique. À quel moment les scientifiques se penchent sur les dangers potentiels de ces matières ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que chez Dupont de Nemours, par exemple, cette conscience, elle apparaît dès la fin des années 30 et que Dupont de Nemours crée un laboratoire spécialisé sur ces questions-là. Ce qui est vraiment très précoce dans le monde industriel. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et le but du laboratoire, c'est non seulement d'étudier les effets pendant la production, c'est-à-dire les maladies professionnelles, mais c'est aussi d'évaluer le risque dans l'usage des produits fabriqués. Donc là, on a on a vraiment Dupont de Nemours se décale pour comprendre aussi s'il ne met pas sur le marché des produits dangereux. Alors, ce faisant, il le fait aussi parce qu'il anticipe sur un mouvement d'opinion et sur la régulation que l'État américain est en train de préparer, justement pour obliger les industriels à mener des recherches sérieuses pour évaluer le risque d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment les prémices des années 30, et c'est évident qu'avec le développement du marché de masse, la consommation de masse dans les années 60-70, la prise de conscience environnementale est de plus en plus forte, et les citoyens s'interrogent également sur la dangerosité de ces produits, à la fois pour des questions de pollution, mais aussi pour le contact avec l'aliment et la conservation des aliments. Oui, Florence Haché-Leroy, vous avez raison de souligner ces deux aspects de la prise de conscience. Il y a celle qui est liée aux molécules, à ce qui va abîmer le corps, à ce qu'on avale à travers le médicament, l'aliment qui a été conservé dans une boîte en plastique. Et puis après, il y a l'évidence de la bouteille plastique jetée, de l'accumulation de plastique. C'est une évidence que l'on retrouve au cœur des années 1970. On va retrouver monsieur Mazotier, qui est ingénieur et qui parle de l'usine d'incinération de Toulouse. On lui demande si les matières plastiques sont indestructibles. Nous étions le 27 septembre 1971. Elles sont effectivement indestructibles car elles ont été étudiées pour conserver les produits alimentaires. Il est absolument indispensable d'avoir des produits 5. Et elles sont indestructibles, c'est pour ça que dans une certaine mesure, quand on parle de biodégradabilité, pour nous actuellement, dans l'état actuel de nos connaissances, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire que si on prend une de ces bouteilles, qu'on la jette dans la nature, il n'y aura aucun microbe qui viendra la détruire, alors que ce même microbe détruirait un bout de bois par exemple. Exactement. La seule façon d'arriver à détruire ces bouteilles plastiques, c'est de les mettre à la poubelle. Exactement. Nous avons plusieurs aspects qui approchent ces dangers du plastique. Celui de consommer des résidus, celui de ne pas savoir quoi faire de tous ces plastiques. Et même, il y a cet aspect du danger de la fumée lors des incendies. Les pompiers aussi réfléchissent en disant « attention, le plastique c'est dangereux ». En fait, dans ces années 60-70, au moment où l'on réfléchit à l'ensemble de cette production, on se dit le plastique, lui, doit être pointé du doigt. Est-ce que ça arrive à s'imposer dans une société qui a tellement besoin de plastique ? Alors, c'est vrai que la question des fumées toxiques dégagées par les plastiques va être un sujet important. Comme dans beaucoup d'autres cas, la régulation avance quand il y a des catastrophes. Donc, le décès de personnes dans un avion à cause des fumées d'incendie aux États-Unis, de plusieurs accidents, ou dans les grands ensembles, les tours où on a beaucoup de, que ce soit des faux plafonds, des canapés, etc. en plastique, va obliger les industriels à mettre au point des produits qui ne soient pas toxiques, parce que l'État va réguler et imposer des normes de ce point de vue-là. Donc, la régulation, elle avance le plus souvent par palier avec une crise et derrière, on régule. Mais il faut souvent attendre malheureusement la crise, l'accident, la catastrophe pour qu'il y ait régulation. La régulation se fait par les autorités. Vous, Florence Haché-Leroy, vous avez travaillé autour des États-Unis, mais pas seulement, mais les États-Unis. C'est vrai que souvent, on imagine les États-Unis qui sont très permissifs pour les entreprises. En vérité, il y a un véritable contrôle dès qu'il s'agit de santé publique. On ne fait pas tout ce qu'on veut et donc l'État a un regard sur la production de ces matériaux de synthèse. Alors, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, mais c'est quand même pas facile de réguler pleinement. Ce que j'explique justement, ouais, c'est que voilà, il y a quelques batailles. Alors, j'ai étudié en particulier la levure chimique, ça peut paraître un peu anecdotique, mais il y a une bagarre qui commence à la fin des années 1970 et qui dure encore aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout réglé et qu'au sein même de l'administration, il y a un chimiste extrêmement important qui est contre l'usage des sels d'aluminium dans la levure et qui n'a pas gain de cause face au président de la République lui-même, qui considère que ce chimiste exagère et voilà, il va trop loin et qu'il faut aussi faire confiance aux industriels. Donc c'est toujours une histoire très en nuance, plutôt en gris qu'en noir et blanc. Et dans cette nuance, il y a ce côté secret. Vous avez été confronté, vous, lors de vos recherches, à ce goût du secret de l'industrie pour ne pas montrer que le plastique est dangereux ? Écoutez, ça dépend comment on peut caractériser ça, mais c'est vrai que lorsque, historien, vous cherchez des sources, que vous contactez des grands syndicats ou des entreprises et que vous dites, voilà, j'aimerais mener une recherche sur l'industrie du plastique ou des additifs et qu'on vous dit, oh, c'est ballot, mais les archives ont été détruites il y a 2 ans, si on avait su, nous les aurions conservées. Voilà, Il y a le culte du secret malgré tout, on comprend, hein, c'est dans l'industrie. Tout à fait. Alors, pour ce qui est des plastiques plus particulièrement et de façon beaucoup plus sérieuse, par exemple, les fabricants de bouteilles plastiques, du moins d'eau minérale, vous répondront que eux ne connaissent pas la composition du plastique, que le mélange est préparé en amont par les industries de la pétrochimie qui mettent dedans toutes les petites molécules souhaitables, enfin qu'ils souhaitent en tout cas, et que derrière eux n'ont pas la maîtrise de la composition même du plastique, de la bouteille, et que effectivement ça relève du secret professionnel, enfin du secret industriel. Bon, et au-delà de ça, il faut également des compétences en termes de chimie extrêmement poussées, ce qui n'est pas mon cas, d'où là la nécessité de travailler avec des spécialistes, des chimistes, et d'être dans une démarche pluridisciplinaire, bien sûr. Une démarche pluridisciplinaire pour approcher ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'omniprésence du pétrole dans nos sociétés et notamment du plastique. Le plastique chanté par Léo Ferré. Oui, oui, c'était en 1956, le temps du plastique, Léo Ferré. Si l'on mettait le temps du plastique en musique, zic, zic, on y perdrait son temps de temps en temps, en y gagnant des sous et des bijoux en plastique, bien plus économique, mic, mic, et bien plus intéressant que les diamants que l'on pend au cou des gens, car le temps du plastique, c'est bien plus fantastique, tic, tic, on y voit le printemps passer son temps à faire des fleurs en papier. Si l'on mettait le temps des pin-up au pick-up, pick-up, on y gagnerait son temps et son argent tout en n'y perdant niette, à part le chouette. Mais le chouette, tu le repeuples en revirant en pick-up, pick-up, sans avoir à causer à ces pépés qui font pi, qui font pi, qui font pitié. Car le temps des pin-up passera et puis up, puis up, puis up, ces pin-up que l'on pique et up, et up, sur les murs des maisons, des cons, des cons. Si l'on mettait le temps des fanfares à la gare, gare, gare, on perdrait pas son temps de temps sans temps, et l'on y gagnerait de quoi se faire bien la joie, car mieux vaut une guitare que les sonneries de la gloire, war, war, et que les salons cossus, dodus, connus, où l'on se file les potins et le popotin, car le temps des fanfares, ça s'en va d'art, d'art, d'art, d'art, on y voit des académiques crever comme tous les hommes. Si l'on mettait le temps des pin-up à la gare et les fanfares au plastique et puis hop, on serait peinard, il n'est peut-être pas trop tard, trop tard, trop tard. Léo Ferré, le temps du plastique. Léo Ferré qui joue avec les différents sens du mot plastique en 1956 dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Adèle Caglar. Et dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons au pétrole, au plastique, et dès lors, nous avons une porte ouverte vers les arts plastiques. Étonnamment, oui, le pétrole est aussi omniprésent dans l'art. Béatrice Joyeux-Prunel, c'est intéressant cette démarche de dire, je vais regarder comment les industriels de la pétrochimie ont une présence dans l'art, parce que d'un seul coup, nous avons quelque chose qui se déploie. Déjà, il y a tout un aspect, mais de manière sociale, factuelle, les industriels sont des mécènes. Les industriels ont été très tôt des mécènes, alors surtout évidemment dans la culture des États-Unis, où c'est très important. Les industriels pétroliers ont été tardivement, les Rockefeller s'y sont mis tard. Madame Rockefeller, qui s'intéressait pas du tout à l'art contemporain en particulier, qui collectionnait plutôt de l'art chinois, asiatique ou du XVIIIe siècle, s'est mise tout d'un coup à s'intéresser aux arts contemporains vers 1928-1929. Et ça, ça m'avait un peu intriguée, parce que je me disais, mais tiens, pourquoi Abby, comme elle s'appelait, ne faisait pas comme ses copines, puisque toutes ses copines, à la suite des Carnegie, etc., collectionnait de l'impressionnisme, allait en France, etc. Et donc j'ai creusé un petit peu ce fil, et évidemment, quand on commence à creuser en historien, on trouve des choses très intéressantes. Et ce que j'ai trouvé, c'est des choses étrangères aux États-Unis, c'est le Mexique. Les choses commencent au Mexique. Pourquoi au Mexique? Voilà. Pourquoi au Mexique? Alors, les Rockefeller, c'est évidemment la grande dynastie pétrolière des États-Unis, les propriétaires de la Standard Oil Company, et pas seulement. Ils investissent après dans la banque, dans beaucoup d'autres industries. Et le Mexique était très important pour ces Rockefeller parce qu'au Mexique, il y avait beaucoup, beaucoup de pétrole. C'était un gisement formidable de pétrole. Sauf qu'au Mexique, il y avait aussi une république depuis 1917. On oublie la révolution mexicaine de cette époque. Et cette république était très autonomiste, indépendantiste, et a assez vite mis en place toute une politique culturelle pour faire prendre conscience au pays qu'il fallait lutter pour cette indépendance. Et dans cette lutte pour l'indépendance, ils ont pris quoi? Ils ont pris les producteurs d'images, les artistes, parce que les artistes, ça fait des images que peuvent lire les gens qui ne savent pas lire. Et donc, ils ont pris les muralistes, qui sont allés peindre tous les bâtiments publics qu'ils pouvaient, les écoles, les mairies, etc. Et sur ces bâtiments publics, très vite, on voit justement une propagande anti-états-unienne. Je dis états-unienne parce que l'Amérique, c'est aussi le Mexique, hein, on est d'accord. Vous avez raison de le souligner, Béatrice Joyeux-Prunel. Avec Xavier, donc notamment les fresques de Diego Rivera. Et oui, alors là, d'un seul coup, mais c'est vrai que vous évoquez les artistes qui peignent sur les murs au Mexique, tout de suite, boum, Diego Rivera. Rockefeller, ben, justement. Oui, je l'associe nettement à quelqu'un qui est proche du Parti communiste. Tout à fait. Comment ces hommes qui sont dans deux mondes opposés, un Rockefeller et un Diego Rivera, peuvent se retrouver sur l'art? Justement, par le biais de l'art, parce que les Rockefeller ont pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour changer leur image de marque, d'abord auprès des Mexicains et ensuite, assez rapidement, auprès du monde entier, parce que les muralistes, ils circulaient dans toute l'Amérique latine et pas seulement, ils avaient aussi une forte influence aux États-Unis et en Europe. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos Rockefeller? Ils se sont dit, bah tiens, on va aller acheter de la peinture des Mexicains. Et on voit dans les archives, ils vont d'abord investir sur l'art populaire, dire on va soutenir l'art populaire, et puis leur responsable des relations culturelles avec le Mexique a commencé à dire, mais il faut aussi acheter les muralistes, et si on les achète, c'est rouge, ça va les calmer, on va les mettre au musée. Donc ils les ont mis au musée, ils ont organisé une exposition Rivera dès 1930-31. Évidemment, dans l'exposition Rivera, c'est pas du tout les peintures murales anticapitalistes, antipétrolières qu'ils ont mises, c'est des gauchos, des cavaliers mexicains, des scènes populaires, tout ça bien gentil, hein, pour dépolitiser le discours des muralistes. Mais Béatrice Joyeux-Prunel, c'est formidable ce que vous venez de dire, parce que dans votre approche d'histoire culturelle et sociale, vous montrez comment en fait un mania de l'industrie pétrolière, Rockefeller, arrive à museler l'opposition à travers les arts en s'appropriant un artiste comme Diego Rivera. Il n'a pas muselé Diego Rivera, il n'était pas si bête. Voilà, il a su s'y échapper. Alors, je vais me corriger, il a tenté de le museler, et notamment par cette exposition. Cette exposition, et c'est ça qui est formidable, ou en tout cas les expositions des artistes qui pourraient être contestataires, se passent en partie dans un lieu, le MoMA, donc à New York, le musée d'art moderne, qui lui-même est lié au Rockefeller. Tout à fait. Et aussi, pas seulement le MoMA, les Rockefeller, Nelson Rockefeller, donc le fils, un des fils de John II, a très vite pris conscience de l'importance des arts dans cette propagande pro-pétrolière, on va dire. Et quand il a été responsable de la construction du Rockefeller Center à Manhattan, il a dit, bah tiens, on va commander une grande fresque à Diego Rivera. Sauf que Diego Rivera, évidemment, il a fini par mettre Lénine au milieu de la fresque, ça a fait scandale, ils ont fini par détruire la fresque, etc. Et c'est là, il y a un passage très intéressant, Rockefeller a déclaré plus tard, c'est dans le cadre de cette affaire que j'ai appris la politique. J'ai appris la politique avec le MoMA de maman. Justement, quand on se confronte avec des artistes qui aiment bien être autonomes, qu'on aime bien aussi récupérer parce que c'est prestigieux, parce qu'aussi on peut les faire taire et leur faire dire les Rockefeller sont pas si méchants, c'était pas si facile. Et oui, ça a continué jusqu'aux années, jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que la stratégie de ces industriels du pétrole était très simple, et de dire qu'une fois que l'artiste est venu, a été exposé chez nous et payé par nous, il ne peut plus nous critiquer, ce qui n'est pas tout à fait le cas, parce que l'artiste est libre. Et bien justement, Béatrice Jallieu-Prunel, nous allons écouter Rockefeller. Mais là, c'est David qui parle très bien français. Vous allez voir, nous sommes le 19 avril 1962 avec un petit accent dans l'émission L'Art et les Hommes sur la radio-télédiffusion française. Pour débuter, je dois vous expliquer un peu la raison pour laquelle nous avons bâti le bâtiment. Nous avons voulu créer une image de la banque moderne, active, neuf, jeune. Et nous avons estimé que, puisque l'architecture moderne est assez sévère, qu'il faut vraiment ajouter à cette architecture des œuvres d'art. Nous vivons dans l'époque actuelle, nous ne voulons pas regarder dans l'arrière, mais plutôt dans l'avenir. Et ça, c'est l'image que nous voulons faire de nous-mêmes. Vous ne pensez pas qu'en mettant des tableaux dans une banque, vous allez accréditer un peu cette idée que le tableau est une valeur de spéculation? Oui, peut-être. Il y a certainement des gens qui y pensent à ça. Mais très franchement, ce n'était pas du tout notre idée en achetant les tableaux pour la banque. Si les tableaux gagnent en valeur, nous sommes bien entendu très contents, mais ce n'était pas pour ça que nous les avons achetés. C'était uniquement pour décorer et pour faire plus beau le bâtiment. Uniquement pour décorer et faire plus beau le bâtiment, David Rockefeller. On était dans la dépense symbolique, en fait. Le symbole, l'art fait partie de ce qu'il dit d'ailleurs, construire une belle image de la banque. Et puis évidemment, il taisait la question politique, mais l'art a toujours eu une dimension politique très très importante, et pour le pétrole, plus encore. L'art a une dimension politique, on l'entend bien, mais il a aussi une dimension sociale, dans le sens où collectionner, c'est s'adresser aussi aux gens de son univers, à ses égaux, montrer que moi, industriel, je collectionne. Alors, il est vrai qu'effectivement, surtout après 1953-54, les industriels américains ont été dans une espèce d'émulation de plus en plus forte pour collectionner et surtout pour diffuser l'art des États-Unis à l'étranger, parce que les Rockefeller avaient montré l'exemple et là-dedans, donner une bonne image de leur pays, faire aimer leur pays. On était dans le cadre des politiques de guerre froide. Mais là, on s'éloigne un petit peu du pétrole parce que les artistes, à cette époque, ils oublient cette histoire des années 30, ils n'en parlent plus tellement, et ils vont l'oublier jusqu'aux années 60. C'est assez étonnant, ça m'a étonné. Par exemple, comment expliquer que ce soit seulement après 64-65 que les artistes aient commencé à dire « mais maintenant, il y en a marre des Rockefeller ». C'est pas nécessairement le pétrole qui est passé par là, c'est la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que les artistes, tout d'un coup, en 65, se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes au Vietnam et que les personnes qui les stipendiaient étaient impliquées dans le pétrole, dans le Vietnam. Et donc dans l'agent orange, le napalm, tout ce qu'on déversait sur ces pauvres populations, qui ont donc des éléments chimiques qui sont investi par les artistes qui tout d'un coup se mettent à mettre du gaz, des bidons dans leur performance, et puis aussi beaucoup de plus en plus à critiquer la civilisation de la voiture. Alors ça, c'est très important dans les avant-gardes new-yorkaises des années 60. Oui, c'est-à-dire que depuis quelques jours, 4 émissions en tout sur France Culture, nous réfléchissons au pétrole dans notre monde et nous constatons qu'il est omniprésent. Il est omniprésent dans le monde du travail, de l'industrie et même dans notre quotidien. Et dès lors, l'artiste qui regarde son monde est obligé de passer par le pétrole. Et donc, dans cette réappropriation du pétrole dans ces avant-gardes des années 60 notamment, il y a une contestation où, si l'on pense à des artistes comme Warhol, juste un constat et peut-être un sourire moqueur de cette consommation. C'est vrai que vous avez raison, Xavier Mauduit, c'est pas toujours très clair. Par exemple, si on prend le cas des avant-gardes nord-américaine, on a un petit peu deux côtés. Il y a ceux qui, en gros, les artistes qui se débrouillent bien et qui ont un regard un peu ironique, un peu ambigu sur leur société, et notamment les car crashes de Warhol en font partie, ou ses compositions avec les dollars qui critiquent sans critiquer vraiment hein, le système capitalo-industriel des États-Unis. Et puis de l'autre, d'autres artistes qui, eux, marchaient moins bien. Sociologiquement, c'est très clair, c'était les ratés du système qui sont passés à la performance parce qu'ils en pouvaient plus, parce qu'ils se sont rendus compte que le système marchand de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain, mais qui a commencé à vraiment exister à cette époque, créait plus de déchets que de succès et de stars. Ils se sont mis à protester contre le système par leurs œuvres. Côté français, on a ça aussi à peu près à la même époque. Si on prend par exemple le nouveau réalisme, on voit pas mal l'investissement du plastique, des bidons dans le travail de Mimmo Rotella, de Jean Tinguely, mais c'est pas très clair que ce soit critique. C'est aujourd'hui qu'on voit ça comme des critiques écologistes, mais c'était pas le cas. C'était une célébration de la société nouvelle. En même temps, quand même, on sent un grincement dedans. Par exemple, dans l'hygiène de la vision, hein, parler d'hygiène de la vision en mettant des plastiques, des gants, des lessives, c'est quand même un peu dire, en tout cas nous, on le sent comme ça, combien la femme en particulier, la ménagère, est requise dans cette nouvelle hygiène et finalement transformée elle même en plastique, parce que l'œuvre en question, qui est à Pompidou, c'est une espèce de totem de plastique qui est la femme, la nouvelle ménagère moderne. Voilà, elle ressemble à quoi, rappelez-le-nous, Béatrice Joyeux-Prunel. Elle ressemble à un balai auquel on rajoute des gants, des stacks en plastique, des bouts de lessive. Alors, il y a aussi un bateau des années 60-70 que j'ai le même bateau dans mon garage récupéré de la belle famille, c'est assez marrant. Donc, tous ces produits industriels faits de plastique en grande quantité que tout le monde avait chez soi, oui. Mais qui transformait aussi les personnes et les rôles. C'est vrai qu'il y a tout un jeu autour de cette notion de plastique à récupérer. Vous évoquez la performance, ben justement voici un exemple, il est assez récent, c'est Andrei Molokhin, un artiste russe mais qui est installé à Paris, qui est installé en France. Ouais. Voilà, et qui était présenté dans le magazine Trax de la chaîne Arte. C'était le 23 octobre 2015. Il y a deux liquides très importants sur Terre. L'un est rouge et l'autre est noir. Il y en a un qui flotte et l'autre qui coule à cause du sel qu'il contient. J'aimais l'idée de mélanger le sang et le pétrole. C'est toujours la même chose. Tu prends du pétrole, tu le mets dans la sculpture. Puis tu prends la sculpture en photo. Puis tu prends une photo de la photo. C'est de la pub. C'est exactement le procédé des agences de pub. Une petite entreprise dont le but est de vendre du pétrole. Je vous laisse libre. Alors, nous venons d'entendre un artiste russe, Andrei Molokhin, qui utilise le sang et le pétrole. Et le pétrole. Waouh. Formidable, passionnant cet artiste. Alors c'est un Russe qui a été, qui a pendant son service militaire transporté des barils de pétrole. Donc il sait ce que c'est que le pétrole, il connaît son odeur, il connaît cette matière, et il a été un des premiers à utiliser la matière pétrole dans les artistes récents. C'est ça qui est très étonnant, c'est que avant les années 2000, il y a une, deux, quelques œuvres seulement qui utilisent le pétrole brut dans leur travail. Et donc ce Molokhin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du pétrole, du sang. Alors évidemment, le sang est donné par des bénévoles, des volontaires. Parfois, ce sont des immigrés ou des migrants qui acceptent de travailler sur ses œuvres avec lui. Et il le mélange. Et pour dire quoi? Il le mélange et il le fait passer par des tuyaux qui courent dans toute la salle d'exposition et qui vont remplir des statues en plastique transparent. On revient à la transparence dont on parlait tout à l'heure avec Florence. Cette transparence, et ils remplissent quoi? La statue de la liberté. Tout d'un coup, vous voyez la statue de la liberté remplie de sang et de pétrole. C'est assez effrayant et en même temps très intéressant. Une lecture fulgurante de l'histoire du XXe siècle, on pourrait dire, mêlée de guerre, de puissance et de géopolitique gouvernée soit par les États-Unis, soit par la Russie, puisqu'évidemment, il connaît aussi la Russie, il remplit aussi de pétrole Das Kapital, hein, le titre du Capital de Marx. Donc ce Molokhin, il est très intéressant parce que il critique un système et en même temps, il le fait avec une matière une matière qui a des choses à nous dire et qu'on n'a pas suffisamment interrogé et que les artistes contemporains interrogent depuis très récemment seulement. Et avec toujours cette complexité de cet art qui dénonce et qui est accaparé, qui est pris, qui est admis par l'institution muséale elle-même, où l'on retrouve la contestation à l'intérieur de l'institution qui peut bénéficier parfois du soutien de l'industrie pétrolière. Oui, tout à fait. Alors ça, ce sont des questions très récentes auxquelles les artistes ont répondu justement en utilisant le matériau pétrole. Depuis 2010, par exemple, 2010-2011, un collectif s'est constitué en Angleterre qui s'appelle Liberate Tate. C'est quoi leur idée ? Libérer la Tate, le musée de la Tate, du financement de BP en particulier, donc British Petroleum. Nous, on dit BP. On dit BP, pardon. et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait des performances faisant chaque fois intervenir tout ce qui concerne la matière pétrole, c'est-à-dire le noir, c'est visqueux, c'est liquide, ça s'étend, ça se répand. Par exemple, une performance qu'on peut voir sur leur site, une vidéo de leur site, une femme nue, il y a beaucoup de nus à la Tate, des beaux nus en marbre blanc, c'est tout propre, c'est magnifique. Là, qu'est-ce qu'ils font ? Cette femme, ils font couler du pétrole sur son corps. Il y a une violence symbolique très forte qui dit quoi ? Le pétrole salit l'art, la culture classique et notre exposition, nous les artistes, à la Tate. Alors, ils y sont arrivés à libérer la Tate, entre guillemets, puisqu'en 2015, en novembre 2015, le musée a annoncé qu'il, désormais, ne prenait plus non seulement l'argent des cigarettiers, mais aussi l'argent du pétrole. Et de son côté, BP a annoncé que, pour diverses raisons, on ne donnait plus d'argent à la Tate. Le même collectif a aujourd'hui agir régulièrement pour libérer le Louvre, libérons le Louvre, il s'appelle, et donc ils font aussi des performances là pour la cause de l'industrie. Libérer le Louvre, entre guillemets, de la prégnance de Total. Oui, voilà, parce que c'est vrai que dès qu'une salle est rénovée grâce à un mécénat d'une société industrielle, vous l'avez cité, Béatrice Joyeux-Prunel, notamment Total, c'est vrai qu'il y a tout de suite des polémiques. Et c'est la chose complexe, c'est que l'art ou le musée en bénéficie, mais en même temps, voilà, il le dénonce. Après, ce qui est complexe, c'est qu'on ne sait pas vraiment si les moyens affectés par Total au Louvre sont vraiment indispensables et si importants que ça. On ne les connaît pas, ils ne sont pas publiés. On sait que pour la Tate, c'était pas des moyens très importants pour la vie du musée, ce qui peut expliquer que le musée est plus facilement s'en séparer, entre guillemets. Donc, on peut lire Les avant-gardes artistiques, une histoire transnationale 1918-1945, c'est chez Gallimard, de vous, Béatrice Joyeux-Prunel, mais très vite, la suite, l'après 45, et à vous écouter, on a vraiment envie de le lire. Et l'on peut lire Menace sur l'alimentation de Florence Haché-Leroy, et là, à la fois ça fait peur, mais ça éveille pour éviter de tomber dans les pièges de ces emballages colorants et autres contaminants alimentaires. Merci beaucoup à vous deux, il est 9h52. Merci, j'ai bien dit. C'est l'heure de retrouver une œuvre d'art, voilà, en vrai, pas en plastique. C'est Anaïs Quien, le journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, dans le journal de l'histoire, vous nous parlez diplomatie et tapisserie. Il y a près de 1000 ans, un homme réunit une armada de 15 000 combattants. Il avait pourtant fait de la Normandie une riche et puissante contrée. À la fois moqué, haï et envié, il portera l'ambition jusqu'à concevoir un projet fou, mais très lucidement organisé. Envahir l'Angleterre et devenir roi. Ce pourquoi il entrera dans l'histoire sous le nom de Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, ce Normand envahissant, ancêtre de la reine Élisabeth II, descendant de Vikings, considéré comme français aujourd'hui, bien sûr, on aime les vainqueurs, d'autant qu'il a réussi sa folle entreprise de conquête de l'Angleterre en 1066. C'est la bataille d'Hastings qui lui assure la victoire, représentée dans la tapisserie de Bayeux, que si vous ne connaissez pas déjà, vous allez vous empresser de googliser. Les historiens Pierre Bouet et François Neveu se penchent sur cette célèbre tapisserie dans un article des Annales de Normandie pour la soumettre aux sources écrites et relever les divergences. Puisque l'enjeu était de taille, puisque les Normands ont gagné, les archives françaises sont plutôt bien pourvues pour l'époque. Many long years ago, the kings of Middle-earth fell into battle. The threads of the tapestry speak of king and conqueror. But look more closely, and you'll see a different story. not a feuding lords, but a be ordinary men of our shires. Theirs is the story of all Englishmen who lived through the darkest year of our times. Les années les plus sombres de notre ère, dans le teaser du film 1066 de Robin Jacob, car cette conquête ne se fait pas sans mal. Pas facile de traverser la Manche au XIe siècle, d'autant plus quand on a invité, comme Guillaume le Conquérant, 15 000 hommes et 5 000 chevaux à se joindre au voyage. Dans les récits de Guillaume de Poitiers et de Guy d'Amiens, le vainqueur est célébré en accord avec le scénario de la tapisserie de Bayeux, à quelques détails près. Le roi Édouard, d'Angleterre, meurt en léguant son trône à Harold en écartant Guillaume. Sur ce point, les fils tissés ne sont pas limpides. On évacue la légitimité du successeur contesté et bientôt écrasé. Alors que les troupes d'Harold attendent l'arrivée des Normands sur les côtes du sud, le viking Harald le Sévère, ou de Norvège, tente sa chance lui aussi à l'est. Les Anglais cavalent donc jusque-là pour lui régler son compte et reviennent attendre la flotte de Guillaume, déjà bien éreintée. Difficile de broder ce crochet qui leur coûtera la souveraineté de l'île, mais escamoter ce trouble-fête qui a probablement grandement facilité la victoire normande était tentant. Ces variations dans le récit relèvent bien sûr de la vocation de ces chroniqueurs dévoués au parti normand. Mais si la tapisserie suit son programme politique, c'est aussi une source ethnographique irremplaçable sur la construction navale, l'architecture civile et militaire, la vie des armées en campagne et les à côté de la cuisante bataille d'Hastings. Histoire de ménager les relations futures et post-Brexit entre la France et le Royaume-Uni, le gouvernement français organise le prêt de la tapisserie de Bayeux à son terrible cousin d'outre-Manche en signe d'amitié. Comme les troupes de Guillaume en 1066, le trésor millénaire peine à passer le Channel. L'objet est en effet très fragile, même s'il a déjà voyagé. Napoléon l'avait fait venir à Paris en 1804 et il a été transporté au Louvre en 1944 sur ordre d'Hitler qui voulait l'emporter à Berlin. Si la tapisserie est restée sur le sol français pendant la Deuxième Guerre mondiale, Himmler a dépêché sur place des spécialistes pour l'étudier dans le détail, avec l'espoir, toujours déçu, d'y assouvir son goût immodéré pour tout ce qui attesterait d'une race supérieure, arienne ou viking, ou les deux. Les descendants d'Herbert Jeschke, spécialiste des couleurs missionné par le chef de la SS pour analyser l'objet en 1941, viennent de donner ses carnets au musée de la tapisserie de Bayeux, c'était en avril 2019. Entre la Normandie, les plages du Sussex et Berlin, la tapisserie de Bayeux, une histoire européenne. Et la muséographie au musée à Bayeux est absolument géniale. Je ne dis pas ça parce que je suis normand et c'est à côté de la maison, mais c'est sublime, c'est un voyage. Ah, c'est normand. Eh oui, c'est normand. Merci beaucoup Anaïs qui en retrouve tous les liens et les informations utiles sur la plage normande du journal de l'histoire, c'est sur franceculture.fr. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons à vous proposer 4 émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou en podcast sur l'histoire du pétrole au cœur de nos sociétés. Demain, c'est actualité, mais quelle actualité! Nous recevons Michel Perrault, historienne magique dont les œuvres sont publiées chez Bouquin, et c'est un plaisir, véritable plaisir dans le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André et Alice Rouet.